suivez la radio Isanganiro. Madame, Monsieur, bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici les grandes articulations. Le parti CNL s'insurge contre d'anciens membres du bureau politique de ce parti qui mettent en avant, dit le secrétaire général de ce parti, leurs intérêts personnels. La zone économique spéciale de Warubondo tarde à être opérationnelle. Le conseil des ministres tenu mercredi de cette semaine s'y est penché. En province Bubanza, une quarantaine de filles ont abandonné l'école suite aux grossesses non désirées au cours des deux trimestres de cette année scolaire. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Séraphine Hakizimana. Isanganiro, la radio de l'avenir. Page politique pour débuter cette édition. Le parti CNL met en garde certains députés, anciens membres du bureau politique, qui tenteraient de perturber le fonctionnement normal de ce parti. Dans un communiqué de presse, le secrétaire général du dit parti fait savoir que ces cadres mettent en avant les intérêts personnels à la place de l'intérêt général. Simon Bizimungu, dans une interview accordée à la radio Isanganiro, Simon Bizimungu nie toute scission au sein de ce parti et dit n'avoir pas de crainte pour les prochaines échéances électorales suivies. Il n'y a pas de climat de mésentente entre les membres de ce bureau politique. Mais tout compte fait, il me semble que vous avez voulu parler des anciens membres du bureau politique qui, ces derniers jours, ont lancé des circulaires dans les groupes WhatsApp disant que les dirigeants du parti n'ont pas respecté les lois du parti ou les tests réglementaires du parti. À ce niveau-là, alors, je vous dirais que ces anciens membres du bureau politique auront eu du mal à accueillir les changements. Lesquels changements ont été faits en respectant les textes réglementaires du parti CNL? Vous demandez qui sont-ils? Ils sont en majorité des députés. Savoir si nous n'avons pas de crainte, compte tenu des échéances électorales qui sont devant nous, là, nous n'avons pas de crainte. Nous n'avons pas de crainte. Pourquoi? Parce que nos membres sont sur le terrain. Le parti CNL est implanté partout dans le pays et les membres du parti CNL sont au service de ce parti. Alors, on ne peut pas avoir crainte des échéances électorales étant donné que nos membres sur le terrain s'organisent et se préparent pour l'élection de 2025 et de 2027. Dire qu'il y aurait session ou qu'il y aurait risque de session au sein du parti CNL, je dirais non. Je dirais non. Pourquoi? Parce que le parti CNL, il est indivisible. Quiconque fera de n'importe quoi, croyant que le parti va se diviser, je dirais que celui-là se trompe. Le parti CNL n'est pas fondé sur les membres du bureau politique. Le parti CNL n'est pas fondé sur les cadres. Mais le parti CNL, c'est un parti des ignorants Mogayon. C'est ces ignorants Mogayon qui ont le dernier mot à dire au niveau du parti. Comme ces ignorants Mogayon sont unis. Et ces Inhamugayo soient unis pour les mêmes causes. Ce qu'ils font faire pour le moment, dans le but de se préparer aux prochaines échéances électorales, c'est l'encadrement de nos membres sur le terrain. Et là alors, les organes du sommet à la base doivent encadrer les membres afin que ces derniers puissent se préparer pour les prochaines échéances électorales. Ce que je demanderai à ces anciens membres du bureau politique, je leur demanderai de se ressaisir. Le changement a eu lieu, il faut qu'ils comprennent que dans toute l'organisation, il y a et il y aura toujours des changements. Les contributions qu'ils donnaient quand ils étaient au bureau politique sont toujours les bienvenues dans le conseil consultatif. Je leur conseillerais à ne plus utiliser les insignes du parti dans ce qu'ils écrivent. Simon Bizimungu, secrétaire général du parti CNL. Ce soir, la résiliation du contrat entre le gouvernement burundais et la société Proserve, ainsi que la correction des incohérences relatives à la zone économique spéciale de Warwondo, telles sont quelques-unes des recommandations du Conseil des ministres tenues mercredi de cette semaine. Dans un extrait du compte rendu de ce Conseil des ministres, Prosper Anaurguamie, secrétaire général et porte-parole du gouvernement, informe qu'un délai d'un mois a été accordé à la commission qui s'y penche afin de voir l'évolution. L'écoute. En date du 8 septembre 2021, le Conseil des ministres a analysé une note sur les mesures à prendre pour prévenir un éventuel dysfonctionnement de la zone économique spéciale de Warubondo et des recommandations ont été émises, entre autres, la résiliation du contrat entre Proserve et le gouvernement du Burundi. en vue de mettre en exécution ces recommandations, une notification de résiliation du contrat a été envoyée à Proserv en date du 18 avril 2022. Mais pour matérialiser cette notification, il faut aussi annuler la concession du site Warbondo et la licence d'autorité de gestion du site à la société Proserv. C'est dans ce cadre qu'un projet de décret a été analysé en Conseil des ministres du 29 juin 2022 et une seule recommandation a été émise, à savoir revisiter le contrat pour analyser en profondeur les manquements de chaque partie et vérifier systématiquement les manquements de chacune de ces deux parties. Cette note montre les engagements et les manquements de chacune des parties. Suite aux manquements observés des deux côtés par rapport à leur engagement, la note suggère ce qui suit. Sursoir à la résiliation du contrat, car les manquements s'observent chez les deux parties afin d'éviter de lourdes conséquences liées à la rupture du contrat. Corriger les incohérences dans la réglementation de ce projet en mettant en place une autorité de gestion de la zone économique spéciale et en annulant la licence d'exploitation de la zone économique spéciale par Proserv ainsi que la concession de la terre domaniale. Faire en inventaire des exonérations des importations et autres avantages perçus par Proserv au nom du projet. Appeler le partenaire Proserv à coopérer pour une renégociation du contrat de promoteur de la zone économique spéciale de Warbondo avec l'autorité de gestion des zones économiques spéciales. Accélérer la révision du cadre légal régissant les zones économiques spéciales et mettre en place les organes nécessaires. Emprunter le modèle de concession et de gestion réussie des zones économiques spéciales des États membres de la ZLECAF. Après analyse de ces propositions, le Conseil des ministres les a adoptées avec la recommandation d'informer le Conseil des ministres sur l'état de leur mise en œuvre après un délai des mois. Captez Isanganiro, écoutez la différence. À 18h07 dans le studio de la radio Isanganiro, poursuivons cette édition. Les réfugiés burundais qui retournent au pays sans avoir de terres cultivables vont en bénéficier de l'État. Propos tenu ce vendredi à Gitega par le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique au terme de la 23e réunion de la commission tripartite Burundi-Tanzanie-HCR sur le rapatriement volontaire des réfugiés burundais vivant en Tanzanie. Au cours de cette réunion, il a été dit que 94% des réfugiés qui rentrent au pays sont des cultivateurs, mais que seuls 82% disposent des terres cultivables. Le point avec Gérard Nibigira. Le rapport de la 27e réunion du groupe de travail technique sur le rapatriement volontaire des réfugiés burundais vivant à République unie de Tanzanie montre que 94% des réfugiés burundais qui retournent au pays sont des agriculteurs, mais 82% seulement ont des terres cultivables et 18% n'en ont pas. Cependant, le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, Martin Inheritse, indique que tout réfugié burundais rapatrié sans terre en aura. Ça, c'est une question à laquelle nous avons déjà trouvé une solution. Les terres du Burundi appartiennent à la population burundaise. Il y a ceux qui parlent des terres de l'État. L'État n'a pas de terres. Elles appartiennent à la population burundaise. Tout citoyen rapatrié qui n'a vraiment pas de terres, nous devons lui donner intérêt parmi ceux appartenant à l'État. Je dis alors que tout rapatrié sans terre s'adressera à nous. Il s'adressera à l'administrateur. Si celui-ci ne parvient pas à régler son problème, faute de terre dans sa commune, alors que des terres existent dans d'autres communes, nous allons tout faire pour honorer les besoins en terre des rapatriés afin qu'ils cultivent, récoltent, mangent et préparent leur avenir. Je répète, les terres burundaises appartiennent au peuple burundais. Les réfugiés burundais qui rentrent au bécail sans qu'ils aient vraiment pas de terre. Cela car nous avons appris qu'il y a ceux qui les ont vendus avant d'aller à Rofige, que tous rentrent et leur problème sera réglé à leur faveur de leur retour au pays. En plus de cette facilité d'octroi de terres à tout réfugié burundais sans terre qui retourne au pays, même le paquet retour en argent a été revu à la hausse, passant de 150 dollars américains à 200 dollars américains pour un rapatrié adulte et de 75 dollars américains à 200 dollars américains pour un enfant rapatrié. Depuis Gitega, Jean Ibigira pour la radio Isanganiro. Merci à Gérard Nibigira pour toutes ces précisions. Un match amical entre le personnel du ministère des Affaires étrangères et de la coopération et le personnel de l'Union européenne a été livré ce samedi Albert Shingiro, ministre burundais des Affaires étrangères et de la coopération, a fait savoir que ce match a été joué dans le but de continuer à nourrir de bonnes relations de coopération entre le Burundi et l'Union européenne. On l'écoute. Comme vous le voyez, je me suis joint au personnel de notre ministère, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération et développement, pour venir livrer un match amical avec l'équipe de l'Union européenne et les États qui la composent. C'est une tradition, ça fait la troisième fois, comme vous le dites. C'est une bonne pratique pour renforcer les liens d'amitié et de coopération entre nos deux pays, dans un contexte décontracté, pas au bureau ou dans les salles de conférence, mais aussi, ça nous permet aussi de faire des activités physiques qui sont bénéfiques pour notre santé. Certains entre nous n'ont pas toujours le temps d'aller jouer à l'extérieur comme ça, sous un beau soleil comme ça. Donc c'est une bonne occasion aussi de travailler le côté santé physique du personnel. Et puis, comme je disais, ce match vise à renforcer les relations d'amitié de coopération 2021-2022 maintenant. Maintenant, c'est dans un contexte beaucoup plus intéressant parce que les relations entre le Burundi et l'Union européenne sont des relations très nourries, en bonne santé depuis 2021. Nous avons la volonté partagée avec les États membres de l'Union européenne de les renforcer davantage, les diversifier, les tonifier davantage dans l'intérêt de nos peuples respectifs. Et ce match, c'est le départ 4-1 en faveur du personnel du ministère des Affaires étrangères. Parlons justice à présent, une peine carcérale à perpétuité. Une amende de 5 millions de francs de dédommagement moral et l'interdiction aux droits civiques. Telle la peine prononcée par le tribunal de grande instance d'Okayanza contre deux hommes de la commune Erango. Accusé de tuer une femme et la jeter dans la rivière Mokoma. Et c'était dans un procès de flagrance de ce vendredi, nous rapporte Patrick Nsengiyumva. Selon des informations fournies par Mugisha Claude, le mari de cette femme est tué, la victime Elise Guimana Florence s'est levée tôt le matin du 25 avril l'année en cours pour se rendre dans le marais de Mokoma en zone commune Erango, faire le sacrage de son char risicole. Les informations en provenance de la commune Erango disent que cette femme a été assassinée et le corps jeté dans la rivière Mokoma qui se déverse dans la rivière Ruvubu. C'est ainsi que selon la même source, le corps de la défunte a été trouvé dans la rivière Ruvubu côté commune de Muhanga par des extracteurs du sable et du moellon. Après l'enterrement d'Onise Guimana Florence, le soir du 26 avril, Mugisha Claude, son mari et son frère Nakimazi Siméon ont été arrêtés pour question d'enquête judiciaire. Des informations en provenance de Rango disent qu'ils ont été vus entrer de rôder dans le marais de Mokoma le matin du 25 avril où Onise Guimana Florence a été tué. Bien qu'ils aient plaidé non coupables dans le procès de flagrance de ce vendredi, le tribunal de grande instance de Kayanza a puni les accusés par une peine de servitude pénale. Une amende de 5 millions de dédommagement moral est accordée à la famille de la défunte, ainsi que l'interdiction du droit de fréquenter certains lieux de rassemblement public, les lieux de garde et d'éducation des enfants. Dans son même type de procès, un homme d'une quarantaine d'années accusé de tuer deux de ses enfants la nuit du 12 et le mois en cours a été condamné par le tribunal de grande instance de Kayanza également. Il a été puni par une peine carcérale à perpétuité, 20 millions d'amende de dédommagement moral et l'interdiction d'exercer les droits civiques. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Quittons le nord du Burundi pour nous rendre un peu plus à l'ouest en province Bubanza où 42 filles ont abandonné l'école suite aux grossesses non désirées au cours des deux premiers trimestres de cette année scolaire. Et depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, 481 filles ont été enregistrées comme abandon suite aux grossesses. C'est ce qui a été dit ce vendredi dans une réunion organisée par l'association Twite Zimbere à travers son projet santé sexuelle et reproductive. Le directeur provincial de l'éducation, Abou Banza, regrette que les auteurs de ces grossesses ne sont pas suffisamment poursuivis en justice. Le point avec Pescaritas Kavanyana. Au cours des deux premiers trimestres de cette année scolaire en cours, 42 filles ont été engrossées et elles ont abandonné l'école. L'année passée, c'était 65 filles. Et depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, c'est 481 qu'on a pu identifier selon le directeur provincial de l'enseignement, Claude Badougaritse. L'a dit ce vendredi à Bubanza lors d'un échange entre les représentants de différentes associations, les autorités administratives des confessions religieuses et les responsables sanitaires, une réunion qui a été organisée par Twitter Zimbere à travers le volet santé sexuelle et reproductive. Sonia Akimana, coordinatrice du projet Engagement multi-acteurs pour la planification familiale au sein de l'association Twitter Zimbere, a précisé que cette reproduction des jeunes risque de provoquer une augmentation galopante de la population si rien n'est fait pour maîtriser la situation. Aujourd'hui, nous constatons que nous avons 65% de la population burundaise qui est constituée des jeunes qui sont au moins de 25 ans. Alors, imaginons si un jeune, une jeune fille ou bien un adolescent commence à donner naissance à des enfants à un si bas âge. C'est-à-dire que demain, il y aura une augmentation galopante de la population. Nous sommes déjà à plus de 12 millions de la population. Si rien n'est fait, cette situation, on ne pourra pas y échapper. Les ressources ne pourront plus suffire. Donc, il est très important alors que chacun de nous, que ce soit les leaders communautaires, les responsables religieux, les chefs religieux, je veux dire, tous ceux qui travaillent avec la communauté, nous nous levons et nous devons agir contre ce fléau des cas de grossesse précoce et également mettre en avant la promotion de l'espacement des naissances et des limitations des naissances. De son côté, Claude Eladougarice, directeur provincial de l'enseignement, a déploré le fait que les auteurs de ces grossesses ne sont pas suffisamment poursuivis en justice. Nous ne sommes pas satisfaits des sanctions qui sont prises à l'encontre de ces auteurs des cas de grossesse parce que donc, nous les voyons incarcérés donc quelques semaines ou quelques mois et après on les voit déambuler ici et là. Donc c'est par manque de preuves tangibles parce que souvent on observe des donc entre les parents de l'enfant et ses auteurs de grossesse, il y a quand même des règlements amiables qui ne facilitent pas de trouver des preuves, je dirais, tangibles pour que la justice puisse faire son travail. Nous demanderions donc aux parents d'éviter donc d'entrer en contact donc avec ces auteurs de grossesse, éviter surtout des règlements à l'amiable entre les familles. Le directeur provincial de l'enseignement a également énuméré certains des auteurs de ces grossesses, entre autres les motards, les élèves et camarades de classe, certains des militaires et policiers, les commerçants et autres. Spécialitas Kawanyana, Ubanza, Radio Isanganiro. Parlons football à présent. Le championnat national de football de la première division édition 2023 qui va se clôturer le 20 du mois en cours s'est en général bien déroulé. Élisée Niouba, journaliste sportif qui suit de près ce championnat, fait savoir que la particularité de cette année est que certaines équipes ont recruté des joueurs en provenance de l'étranger. Il ajoute que l'équipe vainqueur de ce championnat représente le Burundi dans les compétitions africaines de la Ligue des champions. L'écoute. Le championnat national de football du Burundi Primus League va prendre fin le week-end prochain. Alors, de façon générale, il s'est bien déroulé. Il n'y a pas eu d'incident majeur pouvant empêcher le bon déroulement des matchs, des rencontres sur différents terrains. Il n'y a aucun club qui s'est retiré de ce championnat. Tous les matchs peuvent être joués, c'est que le championnat s'est bien déroulé. Alors, la particularité est qu'il y a certains clubs qui ont pu recruter à l'extérieur. Ce n'était pas le cas ces dernières années. Il y avait des joueurs congolais qui jouaient au Burundi, mais qui jouaient sous le nom de Burundi. On cherchait des identités pour eux, mais pour le moment, il y a au moins deux clubs qui ont pu recruter à l'extérieur. C'est notamment Bumamuru qui a recruté au Congo, en RDC et au Congo Brazzaville. Bumamuru a pu recruter un joueur de la Côte d'Ivoire. Entendre qu'un joueur ivoirien peut évoluer au Burundi, c'était des cas très rares ces derniers jours. Il y a Aigle Noir qui a également recruté en RDC et en Ouganda, je crois même en Tanzanie. Alors, ce qui n'était pas le cas ces dernières saisons, c'est ça donc comme particularité qu'on peut évoquer. L'autre question concerne le prix du champion. Donc, c'est actuellement, si je crois que c'est les 30 millions, c'était 30 millions ces dernières saisons. Alors c'est payé, même si c'était 50 millions, c'est payé parce que les clubs utilisent beaucoup d'argent pour préparation des matchs, le paiement des salaires et des primes et d'autres dépenses, d'autres besoins. Alors c'est toujours payé d'argent, 30 millions, ce que les autres pays de la région décernent comme prix, c'est plus que cela. À 18h19 dans les studios de la radio Isanganiro, ainsi s'achève cette édition. Merci madame et monsieur de l'avoir suivi. Merci également à Séraphine Hakizimana qui a assuré la mise en onde. Très bonne suite de nos programmes. Tout de suite après, c'est la revue de la presse. Au revoir. Bonjour à tous et bienvenue à cette revue hebdomadaire de la presse. Associer, écouter, respecter les pêcheurs, titre l'éditorialiste du journal Iwachu. Du 15 mai au 15 août, la pêche dans le lac Tanganyika sera suspendue au niveau des quatre pays riverains, rappelle son confrère en précisant que cette décision est consécutive à la baisse très sensible de la production des poissons ces dernières années dans la région, suite notamment aux pêcheurs qui capturent de très jeunes poissons, les alevins. Iwachu reprend les propos de Gandhi qui avait l'habitude de dire, je cite, « Tout ce que vous faites est pour moi, sans moi, vous le faites contre moi ». Fin de citation. Les responsables de l'autorité du lac Tanganyika ont en effet pensé et décidé à la place des populations sans se référer à leurs avis, fait remarquer notre confrère. Ainsi, cette mesure ne fait pas l'unanimité. En effet, explique l'éditorialiste de l'hebdomadaire Iwachu, les députés tanzaniens et congolais ont exprimé leur opposition à la décision qui a du mal à pénétrer les oreilles tant des pêcheurs que des consommateurs. De son côté, le quotidien en ligne Net Presse rappelle qu'à Uvira, en République démocratique du Congo, une opération ville morte a été observée ce jeudi par des pêcheurs accompagnés par la société civile pour contester cette fermeture du lac Tanganyika aux activités de pêche durant 3 mois. Et si cela est maintenu, que deviendra la vie des milliers et des milliers de gens qui vivent de la pêche ? S'interroge un blogueur du groupe Yaga qui fait remarquer que cette question a été posée à tous les directeurs de pêche de chaque pays. Une inquiétude est partagée avec nos partenaires, selon Sylvain Toussanga, directeur de l'autorité du lac Tanganyika, ce mercredi à Rumonge, devant un parterre de pêcheurs. Les activités alternatives ont été prévues, mais un problème s'est posé. Où trouver des fonds ? A-t-il lancé ? Revue de la presse. Distribution du haricot saisi aux vulnérables et aux établissements publics, rapporte l'agence burundaise de presse. Il s'agit de quelques 1400 kg de haricots achetés avant leur maturité qui avaient été saisis chez 2 commerçants du centre de négoce de Bouiza en zone Ninga de la commune Utaganzwa, c'est dans la province de Kayanza, et qui ont été distribués mardi le 9 mai 2023 aux vulnérables, à l'orphelinat de Buraniro et au lycée Moussema, précise ce journal. L'administrateur communal de Butaganzwa, Mme Janvière Kanyana, a fait savoir que toute cette quantité de haricots a été saisie en vue d'éradiquer le phénomène de vente et d'achat des récoltes sur pied du fait que ce dernier impacte négativement sur l'économie des agriculteurs en particulier et du pays en général. Mme Kanyana, qui a procédé à leur distribution, a mis en garde les habitants qui vendent les récoltes sur pied, de même que les commerçants qui s'enrichissent sur le dos de petits agriculteurs en achetant leur production immature à des prix dérisoires. Le journal La Voix de l'enseignant revient sur la problématique de l'étude matinale que les différentes directions scolaires ont instaurée pour inciter les apprenants à réviser les matières apprises en classe. Les apprenants affichent une réticence et préfèrent les sanctions, constate son confrère, expliquant qu'ils sont retardataires car ils parcourent de longues distances pour arriver à l'école alors que d'autres ne voient aucun intérêt dans cette séance. Un enseignant contacté et qui n'a pas voulu que son identité apparaisse pour des raisons de sa sécurité professionnelle a été, on ne peut plus clair. Il laisse entendre dans les colonnes de cet hebdomadaire de l'éducation que la pratique en soi est bonne. Seulement, regrettait-il, cette étude matinale a été imposée, donc n'est pas le fruit d'un compromis des partenaires directs en éducation, à savoir l'enseignant et l'élève. Au chapitre sécurité, le journal Net Presse rapporte que la police a déjà procédé à l'arrestation d'une vingtaine de personnes considérés comme des irréguliers ou sans adresse connue depuis lundi, le 8 mai, surtout dans la ville de Bururi, au sud du pays. Ils ont été cueillis dans le quartier d'Igisambara et dans d'autres centres comme Kiremba et Buta, note son confrère. Le chef de cabinet du gouverneur de la province de Bururi indique que des irréguliers sont souvent arrêtés dans des actes de vol ou de meurtre, raison pour laquelle la police veut procéder à leur identification afin de prévenir une insécurité qui prend de l'ampleur dans cette entité administrative, souligne toujours son quotidien en ligne. Et c'est par ici que prend fin cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Au micro, vous étiez avec Léonce Vitalio. Revue de la presse.